peut-être à 6h. 6h, fais vite. Vite. Il pète à 6h, vas-y poto, fais vite. Y'a trop de boucavers, ils savent où j'habite. Des fois j'insiste, des fois j'sais pas, j'hésite. Maintenant t'invites, à l'époque tu m'évitais. Je roule mon corps, Samy c'est bas. Qu'est-ce qu'elle est conne, mais ce soir j'lui mets son compte. Des fois j'ai honte et j'me dis qu'est-ce qu'on est con. On laisse passer la bande, c'est ce qui pour nous serait. Vite, je suis en équipe, prévenez le videur, on va tranquille, la vodka dans la vitelle, et la mise j'ai pas one, tu le vois c'est le derwa, mais je passe tranquille, la vodka dans la vitelle, vas-y refais les comptes, c'est sous ton pec t'as compté, de quoi t'as honte, tout le monde peut se tromper, des fois je me trompe, des fois je donne l'exemple, tes milliers d'exemplaires à vendu dans le pochon bleu. Son corps, il me jette un sort. Des fois j'oublie tout, la musique m'a rendu fou. Ce soir je zone, mon balai ton com. C'est ça les hommes, l'honneur passe avant les sommes. Il pète à 6h, 6h, fais vite, vite. J'suis en équipe, prévenez le videur. On va tranquille, la vodka dans la vitelle. Et la mise j'ai pas one. Tu le vois c'est le derwa. Mais j'passe trop.